salon rude et n'a pas changé. J'avais hâte de tout. J'étais gardé de ta rêve. Je sais très bien que tu n'es rien qu'un joli rêve qui va passer me laissant un peu de fièvre, un souvenir à fleur de peau, à fleur de lèvres. Un rêve que je voudrais pouvoir garder comme un sourire au fond du cœur, pour les meilleurs et pour les pires, si les bateaux de notre amour un jour chaviraient. C'est toi ma chanson, ma vie qui danse dans un tourbillon. C'est toi ma chance, mon seul horizon, toi la réponse à mes questions. C'est toi ma chanson, ma vie qui danse, danse en tourbillon. Mon espérance, mon seul horizon. C'est toi ma chanson. Je sais très bien que tu n'es rien qu'un joli rêve. Il va passer, me laisser un peu de fièvre, un souvenir à fleur de peau, à fleur de lèvres. Un rêve qu'à tout jamais j'emporterai dans mes bagages, en revenant de temps en temps sur cette plage, si les bateaux de notre amour y fait naufrage. C'est toi ma chanson, ma vie qui danse dans un tourbillon. C'est toi ma chance, mon seul horizon. Toi la réponse à mes questions, c'est toi ma chance. C'est toi ma chanson, ma vie qui danse, danse en tourbillon. Mon espérance, mon seul horizon. Toi la réponse à mes questions, c'est toi ma chance. Je caresse du bout de mes rêves du bout de mes doigts je dessine un secret. C'est très heureux que tu m'as révélé. C'est très heureux que je vais retrouver. Je caresse les fruits de tes lèvres, les fruits de ta bouche, et je suis malheureux, malheureux d'être loin de tes yeux, malheureux d'être loin de nous deux. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore, et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore, et tu sais pourquoi. J'ai le mal de vivre quand tu n'es plus là. J'imagine du feu sous la cendre, du feu dans mes veines, un soleil de minuit, ton plaisir et le mien réunis, et toujours la tendresse infinie. J'imagine ces gestes si tendres qui font de l'amour un peu plus que l'amour, et j'attends chaque nuit, chaque jour. Et j'attends chaque instant ton retour. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore, et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore, et tu sais pourquoi. Du bout de mes rêves, du bout de mes doigts, je dessine un secret. C'est très heureux que tu m'as révélé. C'est très heureux que je vais retrouver. Je caresse les fruits de tes lèvres, les fruits de ta bouche, et je suis malheureux, malheureux d'être loin de tes yeux, malheureux d'être loin de nous deux. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore, et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore, et tu sais pourquoi. Quand tu n'es plus là. J'imagine du feu sous la cendre, du feu dans mes veines, un soleil de minuit, ton plaisir et le mien réunis,

Ce n'est pas de savoir les temps qu'il fait à Pékin, ni d'apprendre si elle est ou non avec quelqu'un. Ce n'est pas d'espionner une chambre d'hôtel qui référait de moi un propriétaire d'elle. Toutes les nuits, toute ma vie, ce qui me manque, c'est ses larmes sur mes joues. Ce qui me manque, c'est son souffle dans mon cou. Ce qui me manque, c'est quand elle me disait nous, oh, qui ne manque, ne rembourse ses bijoux. Je suis en manque jusqu'à en devenir fou. Ce qui me hante, c'est de l'avoir mise au flou, la Satan Bank. Je n'imagine pas où elle vit, où elle dort, si elle marche sur les pas des anciennes chercheurs d'or. Je ne veux pas savoir si elle est sombre et fière, comme le sont la plupart en passant la frontière. Toutes les nuits, toute ma vie, ce qui me manque, c'est ses larmes sur mes joues. Ce qui me manque, c'est son souffle dans mon cou. Ce qui me manque, c'est quand elle me disait nous, oh, qui ne manque, ne rembourse ses bijoux. Je suis en manque jusqu'à en devenir fou. Ce qui me hante, c'est de l'avoir mise au clou, la Satan Bank. Ce qui me manque, c'est cette larme sur mes joues. Ce qui me manque, c'est son souffle dans mon cou. Ce qui me manque, c'est quand elle me disait nous, oh, qui ne manque, ne rembourse ses bijoux. Je suis en manque jusqu'à en devenir fou. Ce qui me hante, c'est de l'avoir mise au clou, la Satan Bank. Ce qui me manque. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. Le mal de ton rire où je pouvais lire tant de beaux présages. Jour après jour, malgré moi, j'entends ta voix qui parle ou qui chante et puis qui m'invente de nouveaux mirages. J'essayais d'oublier ces folles nuits, passé dans la fièvre d'un amour de rêve que rien ne remplaçait. J'essayais d'oublier les gestes, les cris, toutes les blessures de cette aventure que plus rien n'effaçait. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. J'ai le mal de vivre comme un bateau vibre au creux de la vague. Tu es ma tempête, j'ai perdu tête est déjà, je divague. Ma raison s'égare et même ma guitare ne se plus chanter. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. Mon amour chavire, mon cœur se déchire, tu m'abandonnes. Sans toi que m'importe, où le temps m'emporte, je ne plus personne. J'ai perdu d'avance ma dernière chance, j'ai le mal de toi. J'essayais d'oublier cette folle nuit, passé dans la fièvre d'un amour de rêve que rien ne remplaçait. J'essayais d'oublier les gestes, les cris, toutes les blessures de cette aventure que plus rien n'effaçait. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. J'ai le mal de vivre comme un bateau vivre au creux de la vague. Tu es ma tempête, j'ai perdu la tête, déjà je divague. Ma raison s'égare, même ma guitare ne se plus chanter. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. Mon amour chavire, mon cœur se déchire, tu m'abandonnes. Sans toi que m'importe, où le temps m'emporte, je n'ai plus personne. Avance ma dernière chance, j'ai le mal de toi. Jour après jour, j'ai toujours le mal de toi. J'ai le mal de vivre comme un bateau vivre au creux de la vague. Ne me parle plus d'amour, laissez faire les silences. J'ai envie pour quelques jours d'épouser l'indifférence. Ne me parle plus d'amour, je vais laisser assez de larmes pour des rêves sans retour, des saisons de vagues à la mer. Ne me parle plus d'amour, je n'ai plus de cœur à bohème. Je vais vivre dans ma tour et ne plus aimer qui m'aimait. Ne me parle plus d'amour, je voudrais changer d'adresse, je voudrais faire un détour en dehors de la tendresse. Ne me parle plus d'amour. Ne me parle plus d'amour, c'est le mal de la jeunesse, c'est le vent dans le discours, le berceau de la tristesse, ne me parle plus d'amour. Parle-moi du temps qui passe, le soleil de Singapour, le navire de l'espace. Ne me parle plus d'amour, j'en ai trop parlé moi-même. Je vais vivre dans ma tour, ne plus aimer qui m'aimait. Ne me parle plus d'amour, la passion est en vacances, elle s'était pour quelques jours, mais après les grands silences, on reparlera d'amour. Tu me quittes, mais ce soir il faut choisir. Ne dis pas que tu hésites, tu fais mal pour le plaisir. Le plaisir de voir un homme comme un jouet dans tes mains. C'est pour personne et va retrouver pour rien. Moi je n'en peux plus de tous tes caprices, des jours où tu m'aimes, des jours où j'ai glissé tout au fond de l'ombre, tout au bout du vide, de ces nuits trop longues où mon cœur se ride. Je n'ai plus la force de toujours t'attendre, solide le corps, s'aimer les bois et tendre. Ma vie se disloque, je me barricade, ce soir je me moque de tes dérobades. Je veux lire entre les lignes, deviner entre les mots. Je m'accroche au moindre signe, naufragé sur ton radeau. Je ne suis qu'un fou peut-être, et tu joues de mon amour comme avec ces marionnettes dont l'enfant s'est lassé un jour. Moi je n'en peux plus de tous tes caprices, des jours où tu m'aimes, des jours où j'ai glissé tout au fond de l'ombre, tout au bout du vide, de ces nuits trop longues où mon cœur s'est ridé. Je n'ai plus la force de toujours t'attendre, solide le corps, s'aimer les bois et tendre. Ma vie se disloque, je me barricade, ce soir je me moque de te dérober. le temps d'apprendre à te connaître. Et tu m'aurais quitté peut-être. Je voulais tout de toi, indifférent pour le paraître. J'aurais lu mille fois tes lettres quand tu n'étais plus là. Tout de toi, des rêves de ton adolescence, jusqu'à savoir à quoi tu penses. Je voulais tout de toi, j'espionnais tes yeux en silence. J'ai prié Dieu en ton absence qu'il te ramène à moi. De toi, je la musique de ton rire, un souvenir à moi. Je t'ai enfermé dans mon cœur, toi la plus jolie de mes fleurs. Tu vois, tout de toi, j'étais jaloux de l'amour que j'éprouvais parfois. Pardon, s'ils sont trésors, je te veux encore et encore à moi. Tout de toi, de tes chevilles à tes cheveux, de tes mensonges à tes aveux, je voulais tout de toi. De la moindre émotion qui passe à ces frissons quand tu m'embrasses. J'ai tout gardé, je crois. Tout de toi, j'ai la musique de ton rire, un souvenir à moi. Je t'ai enfermé dans mon cœur, toi la plus jolie de mes fleurs. Tu vois, tout de toi, j'étais jaloux de l'amour que j'éprouvais parfois. Comme Harpagon, s'ils sont trésors, je te veux encore et encore à moi. Tout de toi, j'ai la musique de ton rire, un souvenir à moi. Je t'ai enfermé dans mon cœur, toi la plus jolie de mes fleurs. Tu vois, tout de toi, j'étais jaloux de l'amour que j'éprouvais parfois. Comme Harpagon sur son trésor, je te veux encore et encore à moi. Tout de toi. Tu ne dis rien, mais en silence tu restes avec ton chagrin. Mon pauvre cœur, seul dans ton coin, tu repenses, tu t'accroches à elle en vain. Elle est ailleurs, elle est si loin. Mais lui importe si ton soleil s'est éteint. Elle est sans cœur, elle appartient à tous les autres, qui l'attend vraiment pour rien. Elle nous oublie, sûrement déjà. Elle nous oublie, oublions-la. Et toi fidèle, tu vas pour elle. Moi j'ai mal quand tu pleures, mon pauvre cœur. Mon pauvre cœur, qui te souvient de ce je t'aime qui venait s'effondre au mien. Mon pauvre cœur, il faudra bien que tu comprennes que le mois c'est déjà loin. Elle nous oublie sûrement déjà, elle nous oublie, oublions-la. Mais toi fidèle, tu vas pour elle, moi je m'attends, tu plais, mon pauvre cœur. Soleils vont s'éclairer, d'autres je t'aime vont enflammer. Oublie son rire, on peut partir vers de nouveaux bonheurs. Crois-moi mon cœur, mais toi fidèle, pour elle, moi j'aime mal quand il plaît, mon pauvre cœur. Fille qui vous sourit, souriez. L'amour ami des soleils dans sa nuit. Elle et moi, un jour on s'est aimé, et voilà tout. Elle et moi, on n'est pas marié, mais on s'en fout. Je ne suis pas semi-alter dont vous seriez si fier. C'est vos parties très recherchées dont vous aviez rêvé. Moi je ne suis qu'un vagabond venu que des chansons. Votre enfance est merveilleuse. Regardez, on peut voir le bonheur dans ses grands yeux. C'est la vie, l'oiseau un beau matin vous a quitté. C'est la vie, l'amour ne chante bien qu'en liberté. Je ne suis pas semi-alter dont vous seriez si fier. C'est vos parties très recherchées dont vous aviez rêvé. Moi je ne suis qu'un vagabond. Pour faire ça. passé, jamais n'effacer les souvenirs.